aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Dominique Cotteret, chronique d'une solitude meurtrière. Entre 1989 et 2000, Dominique Cotteret, mère de famille et aide-soignante, cache 8 grossesses à son entourage et tue les 8 nouveau-nés. À chaque fois, elle accouche seule dans les toilettes du domicile conjugal et étouffe les bébés, lumière éteinte. Pendant plus de 20 ans, elle garde leur corps, pour certains, à côté de son lit. Confondu en 2010, son procès s'ouvre en 2015, à renfort de gros titres et de superlatifs, Dominique Cotteret, coupable du plus important infanticide d'Europe. Au-delà du fait divers, c'est aussi l'histoire tragique d'une femme meurtrie, malade de solitude, emmurée dans un corps qu'elle déteste et réduite au silence toute sa vie. Parcours meurtrier d'une mère ordinaire qui en rappelle d'autres, de Véronique Courgeot à Céline Lesage. Toutes racontent la difficulté d'être au monde avant même de pouvoir mettre au monde. Notre invitée, Ondine Milo, journaliste indépendante et chroniqueuse judiciaire. Au mois de mars, elle a publié chez Stock le livre « Les monstres n'existent pas », ouvrage né de ses nombreuses rencontres avec Dominique Cotteret lorsque celle-ci était en liberté conditionnelle. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacoboviez. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Samedi 24 juillet 2010. C'est un bel après-midi d'été à Villers-au-Tertre, village du nord de la France, 600 habitants, quelques kilomètres de Douai. Il y a 3 ans, Valérie et Léonard Mériot ont emménagé au 43 rue de Fressin, charmés par cette ancienne ferme, grande bâtisse de briques rouges typique de la région. Installé dans le jardin, le couple profite des derniers rayons du soleil pour replanter un arbre. Valérie donne un premier coup de bêche, mais au deuxième, l'outil bute sur un morceau de plastique bleu. Appelé en renfort, Léonard déterre 2 gros sacs poubelles. À l'intérieur, il y découvre des ossements et une odeur pestilentielle. Des chats, peut-être. Non, la tête est plus grosse que le corps, répond Léonard, le visage blême. Quelques minutes plus tard, une voiture de la gendarmerie débarque rue de Fressin, suivie par le médecin légiste et le procureur de la République, Éric Vaillant. Au premier coup d'œil, les experts sont formels. Il s'agit de 2 nourrissons. Les corps sont immédiatement transportés à l'Institut médico-légal de Lille, tandis que le couple Mériot est entendu le lendemain matin par la brigade de Douai. Rapidement mis hors de cause, on les questionne alors sur les anciens propriétaires de la maison. Oscar et Louise Lempereur, agriculteurs décédés depuis. Ensemble, ils ont eu 5 enfants. Interrogés à leur tour... Frères et sœurs évoquent alors le même souvenir, une anecdote familiale vieille de 20 ans que personne n'a oubliée. Elle concerne la petite dernière de la fratrie, Dominique, aide-soignante à domicile. En 1988, alors qu'elle a 25 ans, elle accouche de sa 2e fille, Virginie, à la surprise générale. Personne ne savait qu'elle était enceinte. Elle avait caché à tous sa grossesse derrière des vêtements amples, une forte corpulence, 140 kilos, et un mutisme maladif. Ce matin du 26 juillet 2010, pourtant, 2 jours après la découverte macabre, Dominique Lempereur, épouse Cotteret, sort de son silence. « Auriez-vous pu cacher une autre grossesse ?» demande le chef de brigade. « Oui, » murmure Dominique dans un sanglot. Puis, par bribes, tremblante, elle explique qu'un an après la naissance de Virginie, en 1989, elle est retombée enceinte. Elle n'a rien dit à personne et personne ne s'est rendu compte de rien, même pas son mari, c'est dire. 9 mois plus tard, un soir d'hiver, elle accouche seule dans sa chambre à l'étage et étouffe le nouveau-né dans les draps. Elle le met ensuite dans un sac poubelle noir qu'elle dépose dans le grenier. 1 an plus tard, nouvelle grossesse et le scénario se reproduit quasiment à l'identique. Peu de temps après, en effet, à l'occasion d'un déménagement, elle transporte les 2 sacs dans la ferme de ses parents à Villers-au-Tertre, sous les combles. En 2007, à la mort de son père et juste avant la mise en vente de la maison, elle retourne les chercher. Mais ils ont disparu, elle est terrorisée. Elle a tué ses bébés, mais ne les a pas enterrés. Elle le jure, mais alors qui ? qui a tout découvert, sans rien dire. Vous parlez de sacs noirs, mais ceux-là sont bleus, remarque l'enquêteur qui dépose devant l'accusé les photos prises dans le jardin des Mériaux. Bien. Il poursuit. Il y a-t-il eu d'autres sacs, d'autres bébés ? Dominique ne dit plus rien, prostré sur sa chaise, envahi par les larmes. Elle finit par craquer. Je ne sais plus combien, dit-elle. Les corps sont cachés dans le garage de ma maison, 8 sentiers du Pré à Villers-au-Tertre. Oui, à droite, en entrant dans l'ancienne cuve à fioul. À quelques pas de là, dans un bureau voisin de la gendarmerie de Douai, Pierre-Marie Cotteret, le mari de Dominique, est lui aussi interrogé. Il évoque la naissance surprise de sa deuxième fille, Virginie, mais pour le reste, il ne comprend pas ce qu'il fait là. Et puis c'est quoi cette histoire de bébé mort enterré dans le jardin des beaux-parents, hein ? Eh bien l'enquêteur lui résume les aveux de son épouse, et là, il comprend. Et on le place en garde à vue pour homicide volontaire, puis conduit chez lui pour une perquisition. À l'endroit indiqué, les gendarmes découvrent 6 sacs noirs. Le 28 juillet 2010, une première dépêche tombe, reprise dans le lendemain dans le journal de la région, La Voix du Nord, immédiatement relayée par France Inter. Toute la journée, la brigade cynophile de la gendarmerie a fouillé la maison et le jardin du couple dans ce village de 600 habitants. Est-ce qu'ils ont trouvé dépasse l'entendement ? Les corps de 8 bébés, certains enterrés dans le jardin, d'autres gardés dans la maison emballés dans des sacs. D'après les premiers éléments, les nourrissons faisaient tous partie de la même fratrie, ce qui laisse entendre que certains cadavres étaient là depuis bien longtemps. Le couple a été interpellé et les enquêteurs veulent rester très discrets pour le moment sur cette terrible affaire. Le lendemain, 29 juillet 2010, en début d'après-midi, le procureur de la République, Éric Vaillant, organise une conférence de presse au palais de justice de Douai. 8 bébés morts, le plus important infanticide jamais découvert en France. Le magistrat sait bien qu'il ne pourra pas éviter l'emballement médiatique, alors autant prendre les devants. Face au micro et aux caméras, d'une voix calme et solennelle, il donne les premiers éléments de l'enquête. Après autopsie, les corps des nouveau-nés ne présentent aucune trace de coup. Dominique Cotteret les aurait volontairement étouffés à la naissance. Les accouchements se seraient échelonnés entre 1989 et le début des années 2000. Le magistrat poursuit. Elle explique qu'elle ne voulait plus d'enfants et qu'elle ne voulait pas avoir de médecin pour employer un moyen de contraception. Oui, elle a expliqué que son premier accouchement s'était très mal passé à cause de sa forte corpulence, justement. Et qu'à la suite de ça, elle voulait plus voir de médecin. Alors, Monsieur Cotteret, lui, le ciel lui tombe sur la tête, hein, c'est ce qu'il nous indique. Hein. Il indique qu'il n'était pas du tout au courant, ni que sa femme était enceinte. Alors, cette personne, Mme Cotteret, est une personne de forte corpulence, hein, ce qui peut expliquer qu'on ne voit pas forcément donc, les moments où elle se trouve enceinte. Dominique Cotteret, 46 ans, est mise en examen pour homicide volontaire de mineur de moins de 15 ans et conduite à la maison d'arrêt de Secdin. Son époux, Pierre-Marie Cotteret, lui est remis en liberté par la juge d'instruction malgré la demande inverse du parquet. Durant toute la fin du mois de juillet, le village de Villers-au-Tertre, d'ordinaire si tranquille, si champêtre, est assiégé par les journalistes du monde entier. Des médias coréens ont même fait le déplacement. Souvenir de l'affaire Véronique Courgeot, dite des bébés congelés, qui s'est en partie déroulée en Corée du Sud 4 ans auparavant. Le portail de la maison des Cotteret est recouvert d'un grand drap rouge. À terre, des fleurs sont déposées par les habitants et 8 petites bougies sont allumées par le curé. Car ici tout le monde se connaît, les Cotteret ne font pas exception. Enfant du pays, Dominique habite depuis toujours le village, comme ses parents avant elle, comme ses 2 filles et ses 3 petits-enfants. Elle est décrite comme une aide-soignante appréciée, épouse dévouée, mère aimante et mamie gâteau. Oui, tous évoquent sa gentillesse, sa grande timidité, discrète comme une ombre, obèse, jusqu'à s'en rendre infirme. Soit l'exact opposé de son époux, Pierre-Marie. Charpentier, grand, sec. Il est conseiller municipal, s'occupe du comité des fêtes et bricole chez les voisins à ses heures perdues, l'apéro en prime. Alors non, vraiment, personne ne comprend ce qui s'est passé et pourquoi. En tout cas, les villageois se gardent bien de tout jugement hâtif. toujours gentille, très aimable, avenante, tout. Elle était très discrète, elle était très posée. Elle était, non, elle travaillait, c'était une femme courageuse. Ses filles ont toujours été propres, son mari est trop courageux. Il n'y a rien d'autre à dire. On ne fait pas des choses comme ça consciemment, quoi. L'instruction sera faite qu'on aura vraiment déterminé des responsabilités, si on peut. Pour le moment, j'ai pas peur de le dire publiquement. Moi, je soutiendrai Dominique et puis sa famille. Bah écoutez, Dominique Cotteret, c'est une perle. Bon, après ce qui est arrivé, bon, effectivement, on peut éprouver de l'horreur. Et puis après, il y a Dominique, la personne qu'on a connue. À mon avis, il y a quelque chose qui marche pas. Globalement, qui fait que des gens comme ça puissent pas parler, quoi. Bon, une fois, c'est. Et 8 fois. Déjà, ces quelques détails sur la vie normale des Cotteret contrastent avec cette sordide histoire d'octuple infanticide. Pourquoi Dominique a-t-elle enchaîné les grossesses non désirées sans utiliser de moyens de contraception? Pourquoi tuer ses bébés les uns après les autres, alors qu'elle affirme mener une vie heureuse, aimer son travail, son mari, ses enfants? Peut-on parler de déni de grossesse? C'est ce que vont essayer de comprendre la juge d'instruction et le procureur de la République, Éric Vaillant, présent, chose exceptionnelle, à tous les interrogatoires du couple. Il faut dire que depuis la découverte des 2 premiers cadavres, l'affaire ne le quitte plus. De leur côté, dans l'attente des révélations de leur cliente, les avocats de Dominique Marie-Hélène Carlier et le ténor lillois Franck Berton recentrent le débat sur la question judiciaire. Ils évoquent le délai de prescription, durée légale pendant laquelle la justice peut engager des poursuites contre les auteurs d'un crime. Il est de 10 ans, ce délai, à compter de la commission des faits 3 pour les délits. Or, l'enquête a révélé que Dominique Cotteret a tué ses bébés entre 1989 et 2000. Nous sommes en 2010, donc, théoriquement, trop tard pour des poursuites. L'avocat Franck Berton l'explique au micro de France Inter le 30 juillet 2010. Sur les 8 faits d'infanticide, au moins 5, voire 6 ne pourront pas être poursuivis devant la justice, puisqu'il y a ce qu'on appelle la prescription de l'action publique. La plupart des faits pour lesquels ma cliente est mise en examen sont prescrits. Et il conviendra que les experts qui vont être désignés par le juge d'instruction puissent cerner la personnalité de ma cliente, de savoir les raisons pour lesquelles elle a, tout au long de ces années, pendant près de 15 ans, commis les faits pour lesquels elle est mise en examen, qu'elle reconnaît, vous le savez. Elle a même désigné l'endroit où se retrouvaient les 6 derniers corps. Donc je crois qu'il faut vraiment faire preuve de prudence. Il est nécessaire de se livrer à des expertises psychiatriques et psychologiques afin de savoir si oui ou non cette femme est atteinte de troubles psychologiques et si oui ou non on peut parler de déni de grossesse. Loin de ces considérations légales, Dominique commence, elle, une longue série d'interrogatoires. Pendant des mois, dans le bureau de la juge d'instruction, elle devra tenter d'expliquer l'indicible. Un supplice pour celle qui, depuis l'enfance, a appris à se taire et rien qu'à se taire. Un silence qui a recouvert toutes ses blessures, peu à peu. La première d'entre elles, dit-elle, c'était en 1987, à la naissance de sa fille aînée, Emeline. Un enfant désiré, certes, et attendu, mais l'accouchement est un calvaire. Les contractions commencent à 5h du matin, se poursuivent jusqu'à 20h. Et pas de péridurale, compte tenu du poids de la mère. Alors, à la douleur s'ajoute l'humiliation. La sage-femme l'aurait insultée, vociférant que sa graisse bloquait le passage du bébé. Et puis au moment de la délivrance, elle aurait dit « Si tu fais un autre enfant, t'as intérêt de maigrir, sinon t'auras affaire à moi. » Après cette journée, Dominique Cotteret n'est plus jamais allé consulter un médecin, renonçant notamment à se faire prescrire la pilule. Phobie médicale, phobie du corps, elle continue de grossir, de se remplir, de se punir. Alors, lorsqu'elle retombe enceinte, moins d'un an plus tard, elle ne dit rien à personne, pétrifiée à l'idée de se faire à nouveau examiner. Son mari s'en rend compte au bout de 7 mois. Il ne pose pas plus de questions, il l'amène à l'hôpital lorsqu'elle perd les os. Cette fois, l'accouchement se passe bien. Virginie naît, tout aussi aimée et choyée que sa sœur. Au village, dans sa famille pourtant, elle se sent montrée du doigt et écoute les ragots rapportés par d'autres. Elle n'est pas normale, qu'ils disent. Alors, Dominique se jure que plus jamais, non, plus jamais il n'y aura de grossesse pour elle, plus jamais de bébé, trop peur des autres. Elle aimerait simplement qu'on l'oublie. Et pourtant, dans les 10 ans qui vont suivre, elle va tomber 8 fois enceinte. Elle va tuer 8 fois, en secret, son secret. Interrogé au micro de France Inter, le psychiatre Roland Coutanceau parle d'un dénigrement de grossesse, à différencier du déni de grossesse. Vous voyez, au-delà de la personnalité qui a ses fragilités, je crois qu'il faut que chacun comprenne bien que une grossesse non médicalisée, une grossesse dont on ne parle à personne, une grossesse qu'on n'investit pas psychologiquement en pensant qu'un enfant va naître, c'est quelque chose, au sens populaire du mot, un peu fou. Et donc, bien sûr, ça va se terminer tragiquement, et c'est ce qui se passe dans la majorité des néonaticides. Mais ici, vous, bien sûr, ce qui frappe chacun, c'est que comment est-ce que ça peut se reproduire plusieurs fois? Et il faut dire aussi déjà en statistique que les femmes qui peuvent revivre ce type de grossesse, donc on va dire masquée, peu investie ou non investie de façon répétitive, sont exceptionnelles. L'affaire Courgeot, 3 enfants, l'affaire Céline Lesage, 6 enfants, ici peut-être, parce que l'enquête le dira, 8 enfants, ce sont des choses exceptionnelles sur le plan criminologique. À la fin de l'année 2010, la famille, les proches, les voisins, collègues et patients de Dominique Cotteret sont interrogés. 82 personnes au total. Et certaines d'entre elles sont placées sur écoute. Au détour d'une phrase, Bernard, le beau-frère, lâche le mot « inceste ». Le 2 février 2011, 7 mois après la découverte des corps, Dominique est entendu pour la 6e fois par la juge d'instruction, ses avocats et le procureur Vaillant. Tous attendent un signe, un mot qui donnerait enfin du sens à toute cette histoire. Car il faut dire que depuis le début de l'instruction, l'accusé n'a cessé de se contredire, soutenant alternativement que ses filles et son mari étaient au courant des infanticides, puis que seul son mari savait, puis qu'il ne savait rien, mais qu'en fait si, il savait tout. Enfin, chaque réponse réfute la précédente, sans la moindre stratégie de manipulation, car Dominique est de bonne volonté. Mieux, elle voudrait faire plaisir à tout le monde. Alors, lorsqu'une question est formulée par l'affirmative, elle dit oui. Lorsqu'elle est tournée par la négative, elle dit non. L'interrogatoire se poursuit. La juge d'instruction évoque les écoutes téléphoniques. Votre beau-frère a émis l'hypothèse selon laquelle vous auriez tué les bébés, car vous craignez qu'ils soient ceux de votre père. Qu'en pensez-vous ? Dominique s'offusque, les yeux pleins de larmes. Alors, la juge prend ses précautions et insiste tout de même. Et 5 minutes plus tard, elle avoue que son père savait pour les bébés tués. 10 minutes plus tard, elle ajoute que c'est lui qui les a enterrés dans le jardin et elle pleure de plus en plus fort. Elle hoquette à s'étrangler. Il n'y en avait pas tous de mon père, lâche-t-elle soudain. C'est-à-dire, demande fébrilement Franck Berton. Eh bien, c'est-à-dire que j'ai eu des rapports avec mon père, Oscar l'Empereur. Ah. En quelques phrases, Dominique Cotteret balaye les 50 années de sa vie, des premiers attouchements à 8 ans, premier viol à 12, dans la grange à Foin. Ça s'arrête à l'adolescence, puis ça reprend après son mariage, à 23 ans. Mais là, c'est différent, dit-elle. J'étais adulte, donc au fond, j'étais un peu consentante. J'aimais mon père. Dès le lendemain, la nouvelle est dans la presse. Dominique Cotteret a livré son secret, disent les gros titres. Le procureur, Éric Vaillant, lui, se montre prudent. Ces déclarations sont crédibles, mais malgré tout, il faut rester extrêmement prudent. Hein, parce que ces déclarations, pour l'instant, elles sont infirmées par les analyses génétiques. On a fait des analyses génétiques sur les 8 bébés, et les analyses ont prouvé que 6 des 8 bébés avaient pour père Pierre-Marie Cotteret, donc le mari de Madame Cotteret. Il y a un doute pour 2 de ces 8 bébés, puisqu'on n'a pas trouvé d'ADN exploitable sur 2 de ces 8 bébés. Après 17 interrogatoires tout au long de l'instruction et 2 années de détention préventive, Dominique Cotteret est finalement remise en liberté conditionnelle en août 2012. Son époux, Pierre-Marie, l'attend avec impatience. Il le dit d'ailleurs à qui veut bien l'entendre, sa femme, son gros, comme il la surnomme, il ne la quittera jamais, malgré le meurtre de ses bébés, malgré la relation incestueuse avec son père. À la sortie de Dominique, le couple s'installe dans un petit studio de la région de Lens, loin du regard des anciens voisins, mais toujours aussi proche de leurs 2 filles et de leurs petits-enfants. Emeline et Virginie n'ont jamais cessé de soutenir leur mère. Ensemble, la famille attend désormais de savoir si procès il y aura. Incertitudes sur ce point, car depuis la découverte des corps en juillet 2010, l'affaire Dominique Cotteret s'est peu à peu transformée en bataille de juristes sur la question de la prescription, véritable serpent de mer lorsqu'il s'agit de crimes commis sur mineurs. Le 7 novembre 2014, après 4 ans de lutte acharnée, la Cour de cassation entérine le débat par une décision historique, un changement de jurisprudence. Elle estime en effet que, je la cite, « l'obésité, ainsi que la clandestinité des naissances et des morts caractérisaient un obstacle insurmontable à l'engagement des poursuites. Ce qui veut dire, en langage de tous les jours, que la dissimulation modifie le délai de prescription qui s'ouvre au moment de la découverte des corps, le 24 juillet 2010, et non au moment des infanticides qui, eux, ont lieu il y a plus de 10 ans. Une décision prise au nom de la morale et du populisme ambiant, s'emporte Franck Berton, l'avocat. Le procès de Dominique Cotteret s'ouvrira le 25 juin 2015. Before the growth starts to fade, starts to falter, oh, let me inside, let me inside, not to wait. Qui est Dominique Cotteret, cette femme qui, depuis ce matin, comparaît devant les assises du Nord à Douai pour le meurtre de 8 de ses bébés à la naissance? Cette ancienne aide-soignante, mère de 2 filles, est apparue très émue dans la salle d'audience. Les experts ont décrit une personnalité très complexe sur place. Nathalie Pérez, Madi Azor Diawara. Dominique Cotteret entre dans la cour d'assises pleine à craquer, terrorisée, tremblante, seule sur sa petite chaise, comme exposée à la foule. Elle éclate en sanglots. Face à elle, son mari et ses 2 filles, partie civile dans le procès. Cet homme à qui elle a caché ses grossesses, les cadavres de ses bébés et les relations sexuelles non consenties que lui imposait son père depuis l'âge de 8 ans. Jeudi 25 juin 2015, cour d'assises de Douai. La présidente, Anne Ségon, énonce les condamnations encourues par Dominique Cotteret. Pour les néonaticides commis avant la réforme pénale de 1994, la peine maximale est de 20 ans de prison. Le fait d'être une mère qui tue ses propres enfants à la naissance constitue à l'époque une circonstance atténuante. Pour les meurtres commis après la réforme, la peine encourue est la perpétuité. Ce premier jour d'audience est consacré à l'enfance de Dominique. Née en 1964, elle est la dernière d'une famille d'agriculteurs, les Lempereurs, qui compte 5 enfants. Elle est non désirée par sa mère, Louise, qui aurait préféré s'arrêter à 3. Mais elle devient la chouchoute du père, Oscar, très attaché à cette gamine timide et souriante. À l'école, elle est bonne élève, mais souffre de son apparence physique. En surpoids depuis sa naissance, gavée par sa mère qui rajoutait du beurre dans ses biberons, ses camarades la surnomment « la grosse ». La présidente de la cour se tourne vers Dominique. « Comment décririez-vous votre enfance ?»« Normal, » murmure-t-elle. « Ah bon ?» lui rappelle un avocat de la partie civile. « Normal, les relations sexuelles imposées par le père dès l'âge de 8 ans ?» Les larmes reviennent, oui. « Je sais que c'est pas une enfance normale. » Comme dans le cabinet de la juge d'instruction, Dominique essaie de deviner ce qu'on attend d'elle, de donner la meilleure réponse. À moins que le plus important ne se trouve dans ce qu'elle ne dit pas. Ce qui est tout à fait étrange ce soir, eh bien, c'est d'entendre Dominique Cottret raconter sa vie en occultant une partie essentielle de cette vie, et qui est la relation incestueuse qu'elle aurait entretenue avec son père, un père qui l'aurait violée dès l'âge de 8 ans. Alors, à tel point qu'à un moment donné, la présidente lui demande si elle aimait ce père, elle répond « oui, je l'adorais », ce qui est complètement incohérent, elle l'admet d'ailleurs l'instant d'après, mais on sent bien que cet aspect-là du dossier va être essentiel, sachant que la défense de l'accusé est construite autour de cette relation incestueuse et que l'accusation, de son côté, émet de nombreux doutes quant à la réalité de ces viols. Le deuxième jour du procès s'ouvre sur cette phrase de la présidente. « Je voudrais que vous nous parliez des bébés. » Dominique est assise sur sa chaise, là, tout devant, au pied des jurés. Enveloppée dans un long châle gris, elle s'approche du micro en tremblant. Le premier, je l'ai étranglé. Le deuxième, attendez, coupe la présidente. On ne peut pas passer aussi vite. Au silence et sanglots de l'accusé, Anne Ségon mélange douceur et minutieuse organisation. Alors Dominique reprend. Pour le premier bébé tué à l'hiver 89, les contractions commencent alors qu'elle travaille. Arrivée chez elle, elle s'allonge, accouche, et comme on le ferait à l'hôpital, elle met le bébé sur son ventre, un garçon. Elle hésite un instant, puis l'étrangle. Placenta et bébé restent liés, enfouis dans le même sac plastique, caché dans la garde-robe de sa chambre. Le deuxième est né le 27 mars 1991. C'est le seul dont on connaît la date pour une raison à peine inimaginable. Imaginable. Ce soir-là, enceinte de 9 mois, elle est hospitalisée pour une crise d'épilepsie. En pleine nuit, elle accouche seule dans les toilettes de l'hôpital. 3 personnes partageaient sa chambre, elles n'ont pas entendu un bruit. Les médecins qui l'ont examinée quelques heures auparavant ne se sont rendus compte de rien à cause, disent-ils, de son obésité extrême. Et puis, à partir du troisième bébé tué, les souvenirs se brouillent. Ah si, si. Elle se rappelle qu'une fois, Pierre-Marie dormait à ses côtés lorsqu'elle a perdu les os. Elle a fini par accoucher aux toilettes, comme à chaque fois. Les cadavres, emballés dans plusieurs sacs, resteront des années dans la chambre, à quelques mètres du lit conjugal. Pourquoi ne les a-t-elle pas incinérés ? Ça leur aurait fait mal, répond Dominique. Malgré cela, son avocat, Franck Berton, parle de déni d'enfant. Ces enfants n'avaient pas de réalité, comme nous l'indiquent les experts psychiatres et psychologues. Ils n'avaient pas d'entité, ils n'avaient pas d'existence. Et elle s'en est débarrassée comme des bouts d'elle-même, naissance après naissance. C'est maintenant au tour des avocats des parties civiles de prendre la parole. Yves Crépin, qui représente l'association L'Enfant Bleu, hurle. Mais enfin, comment peut-on n'avoir pas d'autre solution que de tuer ? Vous avez au moins souhaité autre chose ? Oui, répond Dominique. J'espérais qu'il y ait quelqu'un qui s'en rende compte et qui puisse m'en parler. Il m'aurait emmené chez le médecin. ce « il » tant attendu, jamais nommé. Difficile de ne pas y voir son mari, Pierre-Marie, 52 ans, menuisier au chômage. À la barre, la présidente le secoue. Votre femme, elle fait les courses, le ménage, la cuisine. Elle s'occupe des enfants et elle tient les comptes. Hein? Oui, marmonne-t-il. Vous travaillez et après vous rejoignez les copains pour boire un coup. Oui. Il baisse la tête. Oui, il lui arrivait de réveiller sa femme endormie pour avoir un rapport. Oui, il insistait. Oh, il forçait un peu quand elle n'avait pas envie. Je reprends ses mots. Mais non, définitivement non, il n'a rien vu, rien remarqué quand les règles de sa femme se sont arrêtées, que son ventre et ses seins ont durci, non, vraiment rien. Les sacs dans la chambre à coucher, il ne les a pas repérés. L'odeur qui s'en dégageait, il n'a pas senti. À trois reprises, pendant l'instruction, le procureur a demandé sa mise en examen. Puis il a laissé tomber, convaincu finalement de l'innocence, aussi déconcertante soit-elle, de Pierre-Marie. Rodolphe Constantino, avocat d'enfance et partage, se tourne alors vers Dominique. « Est-ce que vous vous sentiez délaissé ?»« Oui, » répond-elle. « Est-ce que vous aviez envie de lui donner les enfants que vous portiez, madame ?»« Non. » Le troisième jour du procès consacré à l'inceste. Le souffle coupé, Dominique déroule une nouvelle fois son histoire. Des premiers attouchements, enfants à la relation consentie, adulte. Le procureur de la République, Éric Vaillant, se lève et souligne les nombreuses contradictions de l'accusé pendant l'instruction. Il dit « Madame, aujourd'hui je me pose une question. N'avez-vous pas dit ce qu'on avait envie d'entendre ? Est-ce que vous n'avez pas inventé cette histoire d'inceste pour nous faire plaisir ?» Franck Berton, l'avocat de Dominique Cotterêts, se dresse à son tour. Le ténor lillois semble excédé par le procureur qui malmène sa cliente, par sa cliente qui ne parle pas, par l'impression poisseuse qui s'installe. Alors tout à coup, il s'arrête, un bras en l'air. Est-ce que vous jurez sur la tête de vos filles que votre père vous a violée ? C'est Franck Berton qui s'adresse à sa cliente. Dominique Cotterêts garde la tête baissée. Il vous a violée, oui ou non ? Hurle presque l'avocat. Non, souffle l'accusé dans un sanglot. Et c'est tout son système de défense qui se fissure, parce que durant 2 heures avant ce coup de théâtre, Dominique Cotterêts a raconté dans le détail les relations imposées par son père dès son plus jeune âge et les relations consenties qu'ils auraient ensuite entretenues après son mariage. Il était plus tendre et plus attentif que mon mari, précise-t-elle des sanglots dans la voix. Elle craignait que les enfants soient le fruit de cette relation incestueuse et c'est pour ça qu'elle aurait commis l'irréparable. Un système de défense qu'elle traîne depuis février 2011 et ses premières déclarations au juge d'instruction, mais un système de défense mis à mal par ses proches qui n'osaient envisager un tel comportement de la part du patriarche. Mis à mal aussi par l'accusation « Si votre père a fait tout ce que vous dites, alors c'est un immense salopard », lui avait lancé l'avocat général juste avant sa rétractation. La stupeur, puis le silence s'abat sur la cour. Et la séance est levée. La fragile explication à laquelle tout le monde s'accrochait vient de s'écrouler. Les jurés se tournent à présent vers le collège d'experts psychiatres. Nous diront-ils, eux, ce qu'il reste à comprendre dans cette affaire ? À la veille des plaidoiries, le docteur Roland Coutenceau dépose, limpide, pédagogue. Il explique qu'il n'a pas d'avis absolu sur la réalité au nom de l'inceste, mais qu'il n'en a nul besoin pour sa démonstration. Non, lui retient 4 grands thèmes qui font de Madame Cotterêts, femme au demeurant presque ordinaire, une néonaticide. L'introversion, la pudeur extrême, la peur du jugement et le plus important, c'est que pour elle, dit-il, l'enfant n'existe pas. Sa grossesse, faute de lui trouver un sens, elle y pense, oui, et puis elle oublie. Elle se met la tête dans le sable, comme une autruche. L'expert note aussi que cette répétition des meurtres ne comporte aucun plaisir pervers ou sadique. Alors, les jurés voient bien qu'ils ne sont pas en présence d'un tueur en série, mais c'est quand même à eux d'en juger. Auparavant, ils auront entendu la réquisition du procureur Vaillant qui a parlé de compassion tout en demandant une peine lourde, 18 ans de prison. Puis il y a eu la plaidoirie des avocats de la partie civile. L'un d'entre eux a parlé de « solution finale ». Enfin, l'avocat de Dominique Franck Berton a conclu « Ramener Madame Cotterêts dans la communauté des hommes, sur le chemin de la vie, que cette femme enfin sorte des larmes. » À 16h30, c'est l'heure du verdict. Les magistrats et les jurés s'assoient, visage solennel dans un silence interminable. 9 ans, annonce la présidente de la cour d'assises, Anne Segond. 2 fois moins que ce que demandait Éric Vaillant, qui précise aussitôt qu'il ne fera pas appel. Dominique Cotteret étreint ses filles et son mari. La famille reste ainsi de longues minutes. 4 personnes serrées les unes contre les autres, séparées de l'agitation qui reprend dans la salle. Elles sont dans leur bulle, tout à coup, loin du monde, qui lui continue de s'interroger face à une histoire qui échappe à l'entendement. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Dominique Cotteret, notre invitée Ondine Milot, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, après 16 ans à la rédaction de Libération, vous êtes spécialisée dans les faits de société et la chronique judiciaire. En mars dernier, vous avez publié chez Stock le livre intitulé « Les monstres n'existent pas », livre consacré à l'affaire Dominique Cotteret, livre né de nombreux entretiens que vous avez eus avec elle quelques mois avant son procès, pendant sa libération conditionnelle. Oui, c'est sa libération provisoire entre son arrestation puis son procès. Alors, c'est la première fois que vous consacrez un livre à ce genre d'affaires, les monstres n'existent pas. Pourquoi l'affaire Dominique Cotteret, précisément ? Alors effectivement, c'est la première fois, après en avoir traité énormément de manière rapide dans Libération. J'ai eu envie de m'arrêter sur cette affaire, parce que, en tant que fait diversière, j'étais interpellée, choquée par le nombre d'histoires d'enfants-objets, d'enfants instrumentalisés, d'enfants que les adultes prennent pour servir leurs intérêts. Et là, j'avais l'impression qu'on était au sommet un petit peu de l'enfant-objet avec cette histoire. Et autre facteur, j'avais accès à l'auteur des crimes. Parce qu'on parle beaucoup de victimes en ce moment, et tant mieux si la parole des victimes se développe énormément dans les médias, mais on pourra jamais demander à une victime d'expliquer un crime. Ce n'est pas de sa faute, c'est pas parce qu'une femme est comme ci, comme ça, qu'elle va se faire agresser. C'est, si on veut comprendre les crimes, progresser et faire de la prévention, il faut aller voir les auteurs. Quelle femme avez-vous trouvée quand vous l'avez vue pour la première fois ? Alors la première fois, ça a été 5 heures de silence. C'est ce que je raconte dans mon livre. C'était très étonnant. Moi, j'étais gênée d'être là face à cette femme qui était d'accord pour me rencontrer, mais qui visiblement quand même était très mal à l'aise et gênée de l'interroger sur ses crimes. Alors je faisais, vous l'avez très bien dit dans le récit, des questions de plus en plus suggestives, parce que face à quelqu'un qui ne parle pas, on essaye de l'aider. Mmh. C'est humain. Mmh. Donc je disais, bah peut-être que vous avez envie de me parler de ça. Ah oui, bon d'accord, je vais vous dire ça. Et je me suis rendu compte de cette infinie suggestibilité, c'est-à-dire que elle parlait pour faire plaisir. Avec vous aussi. Ah oui, tout le temps. Enfin, jusqu'à ce qu'on évolue dans nos entretiens et que je me taise, moi, totalement, et que je lui dise, eh bien, tant pis, nous allons écouter le tic-tac de l'horloge, le glou-glou de l'aquarium de vos poissons, mais je ne dirai plus un mot, et voilà, je prendrai ce que vous voulez bien donner, mais je peux plus poser des questions, parce que la question, elle essaye toujours de voir ce qu'on veut comme réponse. Alors justement, quand vous lui posez pas de questions, est-ce qu'elle finit par parler sans s'accrocher à une question, justement? Ouais, enfin, quand je dis pas, je dis des petits mots, voilà, mais j'essaie de... Vous faites pas la psychanalyste qui ne dit rien. Ouais, non, ce serait horrible et ce serait pas très gentil pour elle. Non, mais disons, j'essaie d'être le moins suggestif possible. Voilà. Elle dit des choses. Mais même là, je vais avoir encore une surprise par rapport à sa parole, puisqu'au procès, je vais me rendre compte que des choses qu'elle m'avait dites, elle va dire l'inverse. C'est quelque chose que j'explique, enfin que j'essaye d'expliquer et de raconter beaucoup notre relation et comment faire pour interroger quelqu'un qui ne parle pas, et le problème qui a été le mien. Et finalement, ce que j'ai fini par trouver, parce que ça changeait, voilà, elle, vous l'avez bien raconté, elle a dit que son père avait commis des actes d'inceste sur elle, et puis elle a dit après l'inverse, et puis bon, ça change sur beaucoup de choses, ça change. Et j'ai trouvé enfin quelque chose qui ne changeait pas, c'est ce qu'elle exprimait comme émotion ou comme sentiment. Le factuel va changer, mais pas ça. Donc pour son père, par exemple, elle a toujours dit que elle était amoureuse de son père, que ça lui faisait du mal et du bien, que c'était très fort. Et dans tous ses récits, quels qu'ils soient factuellement, on sent une relation incestueuse. Donc ça veut dire, parce que c'est un élément important, quand on apprend, quand elle dit, ah ben non, finalement, il n'y a pas eu d'attouchement, il s'est rien passé. Évidemment, c'est son système de défense, une partie qui s'écroule, mais au bout du compte, attouchement ou pas, il y a eu une relation avec son père qui était forcément perturbante. Oui, et ça, je crois qu'elle, dans tous ses récits, on le voit. Enfin, ça apparaît. Au moins quelque chose qui apparaît clairement. Alors, on disait à la fin du récit, cette histoire échappe à l'entendement humain, à nos repères classiques. Difficile de mettre des mots là-dessus, notamment sur le rejet des bébés, déni de grossesse, dénigrement. Vous avez réussi à mettre des mots, vous, là-dessus? J'ai essayé, tout en essayant de pas être complètement définitive et en ouvrant quand même des pistes et en laissant sa place au lecteur et à son interprétation. J'ai isolé toutes les violences qu'elle avait subies et j'ai essayé de voir comment ces violences subies ont pu être transmises. Vous en avez parlé, il y en a une qui me paraît très importante, c'est le fait qu'elle ait été gavée bébé. Un bébé avec du beurre dans le biberon. Voilà, et du sein doux dans la bouillie et surtout de la nourriture en permanence. Donc un bébé qui est tout le temps nourri, n'exprime pas de désir, ne crie pas, n'appelle pas, et ne démarre pas une communication avec l'autre. Et ne démarre pas non plus une vie de sujet, de jeu, J-E, qui appelle et qui communique. Ça veut dire que certains parents peuvent gaver des enfants pour avoir la paix, si j'ose dire, à peu près? Bah, c'est ce que m'ont dit des psys. En tout cas, elle, c'était son cas. Elle n'était pas désirée. Elle a été gavée pour avoir la paix. Mais surtout, ça a eu des conséquences sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'exprimait pas de désir. Elle n'en a jamais exprimé par la suite jusqu'à l'âge adulte. Elle parlait pas d'elle, moi, je, mais parce que, dans sa famille, depuis toute petite, elle n'existait pas en tant que moi, je. Déni d'existence. Et elle était un bébé objet. Et après, elle a fait des bébés objets. Voilà. Ça a du sens, quoi. Ça fait sens. Alors, si on écoutait Dominique Cotteret, si on écoutait sa voix, extraite de la seule interview filmée qu'elle a accordée, c'était à La Voix du Nord, en janvier 2015. Dominique Cotteret, vous êtes libre depuis 2 ans et demi. Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui? J'essaye de reconstruire, de me reconstruire, avec mon mari, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Est-ce que vous comprenez l'ampleur des réactions qu'il y avait eu en 2010 à Villers-au-Tertre après la découverte des faits, ce raz-de-marée d'émotions et de médias qui était à Villers? Oui, j'ai compris que c'était très grave. Mm-hmm. Qu'est-ce qui était grave? Les faits que j'avais commis. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez expliquer aujourd'hui à vous-même et aux autres ce qui s'est passé dans votre tête pendant toutes ces années? Vous m'avez parlé tout à l'heure d'un engrenage dans lequel vous vous sentiez prisonnier. Oui, j'étais pris dans un engrenage. J'avais pas de solution. Vous aviez peur de quelque chose ? Peur du regard des autres. C'est quelque chose qui remonte à loin, ça, chez vous, la peur du regard des autres ? Oui. La force du silence et le tic-tac que oui. vous évoquiez tout à l'heure. C'est le même. On entendait. C'est le même. Vous retrouvez la même atmosphère, même genre de scène dans ce que vous entendez là par rapport à ce que vous avez vécu. Les silences aussi, alors évidemment, on disait aussi dans le récit que peut-être l'important était dans ce qu'elle ne disait pas, justement. Ça, c'est l'enquête à la fois du journaliste et de la justice. Allez voir ce qu'elle ne dit pas. C'est peut-être dans ce qu'elle ne dit pas que... On va trouver l'essentiel. Oui, moi ce qui m'a quand même beaucoup aidé, c'est de pouvoir aussi interroger ses filles, son mari, son entourage, cousines, nièces, cousins, etc. Heureusement qu'ils étaient là, heureusement que le beau-frère et la sœur m'ont raconté les scènes de gavage d'enfants, etc. Je me suis accrochée à plein de petites balises pour peindre un portrait un peu impressionniste de cette femme. Ce que j'ai compris, vous me le demandiez, je vous l'ai dit, l'enfant objet, les bébés objets, et puis ces enfants qu'elle donnera pas à son mari, vous en parliez aussi, et qu'elle donnera pas à ses parents maltraitants. En fait, ils sont que à elle. Et donc elle en fait ce qu'elle en veut, en gros. C'est à elle, c'est ses bébés. Vous parliez de quand elle va leur mettre une couverture ou se soucier qu'il n'ait pas froid. On a l'impression là qu'on parle d'une femme complètement délirante, alors que c'est une femme aide-soignante, posée, organisée par ailleurs. Mais il faut voir que voilà, elle a développé une forme de pathologie, une réaction à la violence qu'elle a subie qui devient cette violence-là. Et c'est son monde à part, c'est sa famille à elle, rien qu'à elle. Voilà, c'est 8 bébés. C'est pour ça aussi qu'elle les garde. Enfin, les corps sont gardés, ça a beaucoup de sens, ça. Les corps sont gardés près d'elle. Ouais. L'un des points sur lesquels elle n'a jamais changé de version, ou jamais cherché à faire plaisir à qui que ce soit, concerne les bébés enterrés dans le jardin de ses parents. Elle reconnaît les avoir tués, mais jure de ne jamais les avoir sortis du grenier. Encore un mystère qui sera sans doute jamais élucidé. J'ai essayé un petit peu de creuser et il y a des scènes assez étonnantes avec avant qu'il meure, avec le père de Dominique Cotteret qui parle d'un grand secret, qui demande à sa femme de se taire. Enfin voilà, des membres de la famille ont supposé que lui pouvait éventuellement être au courant. Tout le monde essaye de s'accrocher à ce qui n'a jamais changé chez Dominique Cotteret, donc c'est vrai que ce point-là n'a jamais changé, donc on pense qu'elle les a pas enterrés. Donc ça fait une petite part de mystère, mais au fond, on comprend dans cette histoire que le déni touchait des gens autour d'elle, que le fait de ne pas la voir et de ne pas voir ce qu'elle commettait, c'était quand même... Enfin, il fallait quand même soi-même être dans une forme de déni. Et donc voilà, il y a eu des bébés cachés. Finalement, il y a une logique dans tout ça. Il se passe quelque chose avant la mort de la mère de Dominique, qui s'appelle Louise Lempereur. Oui, c'est la scène que j'ai un tout petit peu évoquée, mais à peine là à l'instant. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'y reviens. Oui, je vais vous développer ça. Non, mais c'est-à-dire que il y a présente chez la mère de Dominique et son mari, la sœur de Dominique, la sœur aînée, et puis le beau-frère. Et la mère se met à dire quel grand malheur. Je ne crois plus en Dieu après ce qui s'est passé dans notre famille. Et bon, quand on prend la biographie de cette famille, on voit pas à quoi elle peut faire référence. Il n'y a pas un grand malheur et une grande culpabilité, comme elle semble l'exprimer. D'où cette idée que peut-être elle aurait su. Est-ce que pour autant c'est les parents de Dominique qui ont caché les bébés, les deux premiers, hein, parce que les 6 derniers, c'est elle qui les a gardés avec elle. Voilà. Alors on écoutait Dominique Cotteret, on a entendu sa voix, on va maintenant écouter son mari, Pierre-Marie. C'était en décembre 2010, soit 5 mois après l'incarcération préventive de sa femme. J'ai encore des nœuds qui sont là, et c'est parce que je pense tous les jours à ma femme, c'est tout. Que je pense qu'elle est là-bas enfermée. Quoi. Elle peut revenir, et bien même là je le quitterai jamais. D'après, j'ai fait des gros bisous quoi. Ça, c'est une femme que... Je peux pas partir d'une femme comme ça. C'est pas possible. Pas possible. Les gens, ils pourront dire ce qu'ils veulent. C'est mon épouse, c'est tout, quoi. Et elle reviendra avec moi. Quand on prend connaissance de cette histoire, l'une des premières choses, questions qu'on se pose, c'est le mari, savait-il ? Et on se dit, le mari savait forcément. Enfin, juste au pied du lit, c'est pas possible. Mmh. C'est un avocat, d'ailleurs, le résume en disant, Pierre-Marie, pour les gens, c'est soit le dernier des cons, soit le dernier des salauds. Bon, il est bien probable qu'il ne soit ni l'un ni l'autre. Je l'ai rencontré longuement et j'ai découvert qu'il était ni l'un ni l'autre, ça c'est certain, mais qu'il a participé à un système de déni de couple, quoi. Enfin, ce qui a abouti à la mort de ses enfants, c'est une histoire aussi de couple quand même. Très certainement, il n'a pas vu, mais il faut vous dire aussi qu'il ne voyait pas sa femme. Il ne voyait pas des tas d'autres choses chez elle. Il la regardait pas, quoi. Il la regardait vraiment pas. Elle a toujours vécu comme ça, en n'étant pas regardée dans sa famille avant. Et donc, elle a continué le système avec lui. Et lui demandait tout un tas de choses, de le conduire ici ou là, il n'avait pas le permis. Et elle a accru encore la dépendance de cet homme, parce que le fait de le rendre dépendant, finalement, c'était les signes d'amour qu'elle recevait pas d'une autre façon. Voilà. Donc, ils se sont enfermés là-dedans. C'est terrible, parce que quand on entend dire « je quitterai jamais une femme comme ça, je l'aime », on s'est dit « bon, il y a de l'amour bon, ». En fait, c'est... Je pense qu'il y a de l'amour. Alors, il y a de l'amour, elle lui rend bien service aussi, mais il y a de l'amour. Mais je pense qu'il y a de l'amour. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait plaisir dans les réactions de lecteurs, c'est qu'il y a pas mal de gens sur mon livre qui m'ont dit « mais il y a de l'amour dans cette famille ». Et ça me fait plaisir qu'ils le ressentent. Avec les deux gosses, avec les deux filles, c'est énorme. Elles et sont... les petits-enfants aussi. Et avec les petits-enfants qui sont très très très liés à leurs grands-parents et à Dominique. Donc il y a tout ça, et puis il faut dire aussi que cet homme a changé maintenant. Enfin, il n'avait pas le choix. Et il pouvait pas, il était incapable de vivre sans sa femme. Or, elle n'est plus là. Donc il a dû évoluer. Et maintenant, il fait tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lui lave ses affaires, il lui apporte en prison, des choses normales, j'ai envie de dire, mais qu'il ne faisait pas avant. Alors, le procureur de la République, Éric Vaillant, est lui aussi un personnage important dans cette histoire, totalement impliqué pour le meilleur comme pour le pire, pour elle en tout cas. Pour Dominique, le choix, justement, il y a le choix de donner un nom au nouveau-né avant le procès. Il y a d'ailleurs une procédure. Parlez-moi ce point-là. Je sais même pas quelle question vous posez, comment l'aborder, parce que ça c'est vraiment un point incroyable. Oui, c'est un moment moi qui m'a beaucoup marqué parce que j'étais avec Dominique Cottret quand elle apprend par téléphone que le procureur de la République, avant le procès, a donné des prénoms au bébé qu'elle a tué. Et la réaction de Dominique Cottret, c'est-à-dire une crise de presque de désespoir absolu. Elle pleure et je crois qu'elle va jamais revenir parmi nous. Elle pleure, elle fait des mouvements. Je crois que je l'ai perdue. Pour elle, c'était insupportable que le procureur donne des prénoms. Je pense encore une fois parce que elle seule avait le droit de les appeler. C'était son monde à elle. Elle seule avait le droit de penser et de nommer ses bébés. Et à partir du moment où d'autres les nomment, elle comprend l'horreur de son geste et ça n'est plus sa fiction et son monde à elle. Ce procureur, moi au départ, j'ai pas compris du tout son initiative, parce qu'en général, on nomme plutôt après le procès. Enfin, c'est pas le seul cas d'infanticide ou de néonaticide d'enfant qui a pas été déclaré. Et en général, on nomme plutôt après le procès. Et c'est ça la procédure dont je parlais. Voilà. Et moi, ça m'a choquée sur le moment, parce que je y voyais une envie comme ça d'instrumentaliser encore plus l'opinion publique, d'émouvoir, etc. Et en plus, il avait choisi les saints du calendrier, le premier saint de chaque mois, donc il y avait une dimension quand même morale et religieuse. Après, en discutant avec lui, parce que j'ai beaucoup discuté avec le procureur, il m'a dit, mais oui, mais moi, je voulais qu'on les considère comme des personnes. Ça, c'est quelque chose que je lui reprocherai jamais, parce que c'est moi aussi, parce que je voulais qu'on considère ces enfants objets comme des personnes, que j'ai écrit mon livre. Ouais. Donc, au départ, c'était mon impulsion première. Je le comprends, voilà. Et ça a pu m'être mal interprété, mais je crois que l'intention était bonne. Toute dernière question, il nous reste 30 secondes, on va aller vite. Oui. Le réquisitoire contradictoire, tout en appelant les jurés à la compassion et à la compréhension, le procureur requiert 18 ans. Alors, c'est un magistrat, voilà. Il y a côté humain, puis il y a aussi la loi. C'est lourd, hein, 18 ans. Bon, ça finit à 9 au bout du compte, mais pourquoi 18, quoi? Je crois qu'il a été tiraillé tout du long. C'est ça. C'est un personnage d'une humanité formidable, justement pour ça, et qu'il s'est senti obligé de demander une peine forte pour l'opinion publique, et en même temps, à titre personnel, il est allé dire qu'il était très content qu'elle n'ait que 9 ans. Que 9 ans. Merci infiniment, Ondine Milo, si cette histoire vous fascine, vous intéresse, vous interpelle à lire donc votre livre Les monstres n'existent pas, avec le sous-titre Au-delà du fait divers, c'est chez Stock. Merci. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Dominique Cottret, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Loïc Frapsos, qui était à la technique aujourd'hui. C'était Affaires sensibles sur France Inter, une rediffusion de l'émission de Fabrice Drouel.